Wesh l'ancien, t'as vieilli depuis hier, hein? Tu dis bonjour chelou, regard froid. Et là on t'a dépanné quand t'étais un chien, ma gueule. T'as oublié quand, hein? T'as oublié. Toi de façon tu veux nous la mettre. Eh hey, mais tu sais quoi? Et on va finir par faire t'asseoir sur ta propre banane, ma gueule. Tu fais du beat, ok. Tu sers des meufs, ok. T'oublies tes rôles, ok. Pour une paire de seuls, ok. Dis-moi pourquoi tu fais l'alliance. Pourquoi tu fais l'alliance? Dis-moi pourquoi tu fais l'alliance. Pourquoi tu fais l'alliance? Tu fais du beat, ok. Tu sers des meufs, ok. T'oublies tes rôles, ok. Pour une paire de seuls, ok. Dis-moi pourquoi tu fais l'alliance. Pourquoi tu fais l'alliance? Dis-moi pourquoi tu fais l'alliance. Pourquoi tu fais l'alliance? Y'a pas que les fesses qu'on claque, les gueules aussi, rap contact, rap d'enfoiré qui dit qui est, rap d'enfoiré plus des billets, qui sort de la chevaux, short du sebo pour un vieux bédo roulé hier, chante ta fausse vie, rappeur de mes deux, toi et ta fausse vie, je prends tous les deux, hein, hein. Du sang dans la bouche, des flammes dans les yeux, avant d'essayer de me mettre sur la touche, comptez vos cartouches, mesdames et messieurs, hein. Flex ta veuve, flex ta le gueule, j'te flex ta mère, j'en ai rien à flex, t'inquiète pas, ça gère, on flex ta race, toujours en Iker. Oui c'est nous, cette putain de bande d'enfoirés, c'est pas nous que tu croiseras en soirée, la caravane passe, tu peux avoyer, fréquence ta M6, leur envoyer, t'es mort claqué, le moteur noyé, on va te renvoyer dans tes charentaises, et mettre ta vie entre parenthèses, ça part en vrille ou ça part en baisse, tu te caches sous le lit quand tes parents baissent, t'es mal élevé, j'te mets mal à l'aise, tu te noires et rouge à la milanaise. T'es niqué l'enlien, c'est parce que t'avais prévu. On s'en bat les bourses, on t'avait prévenu. C'est moi l'avocat, c'est toi le prévenu. Vu, tu fais du beat, ok. Tu sers des meufs, ok. T'oublies tes rôles, ok. Pour une paire de seuls, ok. Dis-moi pourquoi tu fais l'enlien. Pourquoi tu fais l'enlien? Dis-moi pourquoi tu fais l'enlien. Pourquoi tu fais l'enlien? Tu fais du beat, ok. Tu sers des meufs, ok. T'oublies tes rôles, ok. Pour une paire de seuls, ok. Dis-moi pourquoi tu fais l'alliance. Pourquoi tu fais l'alliance? Dis-moi pourquoi tu fais l'alliance. Pourquoi tu fais l'alliance? Assis-toi, explique-moi. Wesh, pourquoi tu fais lancer? Tu regardes mal, tu fais la caille. On va te crocheter comme un sac lancé. Coup de pression, écoute mes sons. T'es dans un film, ton père Luc Besson. Tu bouffes tes ongles, nique ton nom. Tu as attendu comme sorti de prison. Tu tapes des grammes dans la tête, c'est grave. On voit ta haine sous casse intégrale. T'es comme une pute qui cherche à tes gras. Je mets des baffes avec tes bras. Faut des terres, je rappe pour les braves. Faut des frères qui enterrent tes traves. Dans les cités, c'est les plus détestables. Mais pitié, pire qu'une affaire d'état. Verré sur la tête, t'étais sur table. Alors t'as 25 piges, t'assures pas. Fais l'enlien, mets-toi à la page. Fais le fou en bas, on te fume à l'étage. Tu parles mal à Cassandra. Nous ici, on te casse un bras. On te fume et on te passe un drap. Les petits sont vraiment pas sympas. Rue de Marseille, ça devient Sainte-Anne. Rue de Marseille, mon épouse Zlatan. Tes menaces, on trouve ça calme. Nique ta place pour que l'on s'installe. Oui, j'arrive, peut-être pas l'illette. On est là, fallait pas y être. 93, 800 Paris, mec. Tu parles mal, juste par email. Tu fais du beat, ok. Tu sers des meufs, ok.